Danger and cut. It's the most beautiful, ugly sound in the world. Object under any of the following titles. Not a fucking person! Team. Never enter the complex alone. Rats. Never enter. Hold up, Captain. What do you see? The complex alone. Never enter the complex. Enter the complex alone. Konstrukt, der Podcast. Bonsoir, c'est Julie Moé et vous écoutez Construct. Ce soir, nous recevons Nitrom the Metronome pour une interview exclusive. Salut Nitrom, comment ça va? Nitrom, tu es avec nous? Allô, est-ce qu'il y a un Nitrom dans la salle? Nitrom? Nitrom? Tu es là? Nitrom? Nitrom? L'antenne de Radio Pulsar. Le soir, comme par hasard, patientez quelques instants. It's the most beautiful, ugly sound in the world. It's the most beautiful, ugly sound in the world. Danger and cuts. Ce qui est intéressant dans la culture, c'est qu'il y a énormément de dissidents. Par dissidents, j'entends des personnes déterminées à ne produire que selon leur éthique, déterminées à ne pas travailler sur des objets et avec des modalités avec lesquelles ils sont en désaccord. Et ces personnels alternatifs, déterminés à ne pas produire de merde pour le capital, sont nombreux dans la culture. Hypermix, Glitchcore, un mercredi sur deux, les semaines paires, 20h, 21h. Danger and Cuts. It's the most beautiful, ugly sound in the world. about it. That's it. The most beautiful, ugly sound in the world. Everybody wants to be somebody, but nobody wants to struggle to be somebody. Nobody wants to suffer to be somebody. Everybody wants to be somebody if somebody is someone, but nobody wants to be no one if no one is nobody, because everybody wants to be. Danger and cuts. Thank you. Vous écoutez un hypermix de musique d'Ojin par Nitrom the Metronome. Danger and cuts. we out here. Danger and cut. It's the most beautiful, ugly sound in the world. Thank you. Est-ce que c'est la fin? Non, ça continue. Sur la page de l'émission sur radio-pulsar.org, avec des articles et des rediffusions des sessions précédentes, histoire de patienter pendant les 15 jours qui nous séparent de nos retrouvailles sur l'antenne de Radio Pulsar 95.9 à 20h. D'ici là, bonne chance, amusez-vous, happy woman. Bisous. Danger and Cuts. Out. を読み取って